bi nag moom gars yi dañ ne woon xam nga rek mala yi dañ daje quoi gars yi ne il faut ñu def concours làmb ko gagné sa morom daal di nga am gandi nag xam nga gars yi balaa ñoo comprendre rek bëy ne wéy sama taamu naa bukki bukki laa taamu maa ko tippoo bukki nga rek jàpp ñaamuram ne ok waaye jour combat bi ñëw gagné moom bukki nag daa bëgg a yàpp bukki moom gagné bu ne yàpp moom xam naa rek yéen ma gagné quoi bukki daal moom gars yi di préparé bëy di entraîné laa lay wax nii yëkkati poids xam nga waaye di alter di waay yow di pompé lu ne def na ko nag bukki moom xam nga lu doon def waaye moom entraîné bukki defar ay nokkos quoi defar manaat bu saf sab bukki daal gars yi ñu ne nii quoi gars yi yegg si arène bi rek gars yi ne prip bukki daal bëy daf ko jaay jublu rek bukki dafa andi marinade def si benn pot quoi jublu ko waaye sànni benn droit rek booy rek kray rek bukki jàpp tànk bi rek ñoo ko marine naal de yàpp nag bi du ma doy marine tànk bi ñu ne nii waaye bukki faqatiku waaye indi waaye pied gauche rek mu jàppati waaye rek diwaat gaan marinade bi bukki daal balaa combat bi di jeex booy marine na bëy bi gaan balaa jaar dem ñi bi waaye xam naa ne daal mottali na yàppam daal moom